Chapitre 15e. Victor frappa plusieurs coups du plat de la main sur la porte de la caravane. « Oh, Manolo, ouvre ! Putain, c'est Victor !» Une voix grasse répondit un « Ouais !» Puis la porte s'ouvrit sur un tas. Il était difficile de l'appeler autrement. Un homme d'une cinquantaine d'années en Marcel, dont on aurait su dire si la couleur avait passé avec l'âge, ou si elle avait foncé avec la crasse. Ses cheveux bruns, bouclés, sales, tombant sur les épaules, sa bedaine, ses seins, l'absence de poils, l'auraient tout aussi bien fait passer pour une grosse matrone. Sa peau cuivrée l'empêchait de le confondre avec un Suédois. Il était bourré de fric, mais, n'ayant confiance en personne, il ne bougeait jamais, le cul sur son arsenal et sur son trésor. C'était un petit vieux qui allait pour lui au ravitaillement. Dans ces conditions, dites-moi à quoi ça sert d'avoir du pognon ? Il détailla le gamin avec un méchant rictus de dégoût, comme s'il contemplait une bête malfaisante. « Qu'est-ce que tu veux, merdeux ? J'ai la thune, mec, » dit Victor en glissant vers Manolo en regard de vieille, un clin d'œil. « Montre, » dit l'autre en haussant les épaules. Et Victor étala fièrement sous les yeux de Manolo une liasse de billets de 20 € qu'il ouvrit comme un éventail et que l'autre regarda du haut de sa caravane. « Ça te la coupe, hein ?» Victor tenta d'atteindre le marchepied pour entrer dans la caravane, mais Manolo le repoussa violemment du genou. « Dégage ! Va m'attendre dans la baraque là-bas. » À côté de la caravane, une méchante baraque faite de planches et de tôles ajoutait sa verrue au décor déjà désolant. Manolo pénétra dans la baraque portant un très vieux sac de sport et alla s'asseoir derrière une table branlante face à l'entrée. « Bouge pas !» dit-il à Victor qui était de l'autre côté de la table. Du sac, il sortit un paquet entortillé dans un torchon sale, l'ouvrit et étala sur la table 5 armes de poing. « Choisis !» fit-il à Victor. « Touche pas. Tu montres avec le doigt seulement. » Victor savourait son plaisir. Il regarda attentivement chaque arme, se penchant comme pour les observer par en dessous, se gratta la tête en surveillant avec méfiance la réaction de Manolo. Ce dernier plissait les yeux comme s'il dormait mais n'en perdait pas une miette. Finalement, Victor désigna une des armes. « Celui-là, dit-il, combien ? Combien que t'as ? 800, répondit Victor. « Ça ira. » mêlé sur la table dans le torchon. Puis Manolo, sans se lever, fit glisser le torchon vers lui. « Oh, et mon flingue ! » s'affola Victor. Manolo compta les billets et poussa sur la table l'arme choisie vers le gamin qui s'en saisit avec avidité, les yeux brillants. « Eh, le gros, il manque le chargeur !» Sur la table, Manolo fit glisser le chargeur, puis une grosse boîte d'allumettes qui contenait les cartouches. « Allez, tu prends tout ça et tu te casses. Si jamais tu remets les pieds ici, je te fume. » « On se connaît pas, vu ?»« Ok, ok, je me barre. Allez, ciao !» Victor disparut derrière la baraque. Manolo resta assis à sa table, apparemment rêveur. 2 minutes plus tard, Victor s'encadra dans la porte de la baraque, pointant sur Manolo le flingue qu'il venait d'acheter, le tenant à 2 mains, les jambes écartées, la casquette de travers, un large sourire méchant sur les lèvres. « T'es mort, Manolo, dommage. Je vais reprendre ma thune et tout ce qu'il y a dans ton putain de sac. » Il abaissa légèrement l'arme, juste le temps pour Manolo d'actionner la détente du fusil attaché sur la table et de se laisser tomber de sa chaise. Victor reçut la décharge de chevrotine dans l'abdomen et les jambes. Il s'écrasa contre le mur de la baraque, mais était toujours vivant, perdant son sang en tressautant. Usant son dernier souffle à proférer des injures, il vida le chargeur de son arme dans l'espace, comme si les détonations l'aidaient à supporter la souffrance et repousser la mort. Manolo resta bien 3 minutes sans bouger, attendant la fin. Puis il se rendit auprès de l'enfant et le poussa du pied. « Petit connard, va ! Celui qui baisera Manolo est pas encore né ! Putain ! » murmura-t-il. « Qu'est-ce que je vais en foutre maintenant de cette raclure ?» Il entra dans la caravane et en ressortit avec un vieux tapis pourri. Il enroula le corps de Victor dedans et le ficela comme un rosbif. Il porta son paquet au fond du terrain, bordé par une haie sauvage de roseaux. Le long de cette haie, il se mit en devoir de creuser une fosse dans laquelle il étendit le corps de Victor, le cacou. Avant de l'inhumer, il confectionna une petite croix à l'aide de 2 bouts de roseau liés par de la ficelle et la déposa sur le corps. Superstition plus que croyance ou foi réelle, il tassa soigneusement la terre et étala dessus des feuilles mortes de roseau. Puis, dans la baraque, il racla soigneusement le sol de terre battue pour effacer toute trace de sang. Il jeta la terre souillée au fond du terrain et répandit sur le sol du tuf frais et sec. Il nettoya à grandes eaux les planches de la baraque éclaboussé par le sang de Victor. Ne laissant rien au hasard, il plaça une nouvelle cartouche de chevrotine dans le fusil et vérifia son arrimage sous la table. On ne s'alarma de la disparition de Victor que 4 jours plus tard. Ce furent surtout ses copains qui s'inquiétèrent et se dirent qu'il fallait faire quelque chose pour leur pote. Ils allèrent au commissariat du quartier et signalèrent la disparition de Victor en expliquant que la dernière fois qu'il l'avait vu, il chercha à se rendre chez Manolo. Sur le Manolo en question, pas besoin d'explication, il était bien connu des services de police. Questionné adroitement par un brigadier qui avait de la bouteille, ils firent également mention de la partie de foot émaillée de pétards le jour de la mort du cuistot. Ils finirent par signaler la présence d'un mec pas très clair, un vieux qui semblait pote avec Victor. Tous ces renseignements prirent le chemin du SRPJ et furent versés au dossier de l'assassinat de Enzo Gennarino, restaurateur à l'Estac, et spécialisé dans la gastronomie italienne. On ne lui connaissait pas d'ennemis et de sources autorisées, il payait régulièrement ses impôts pour vivre en paix.